Installez-vous confortablement sur le canapé. Fermez les yeux et on se détend. Et respirez profondément et régulièrement. Et détendez-vous tranquillement et respirez profondément et régulièrement. Et respirez profondément et régulièrement. Et débarrassez-vous de toutes les appréhensions. Et respirez profondément et régulièrement. Et respirez calmement et détendez-vous tranquillement. Et respirez profondément et régulièrement. Et détendez-vous tranquillement. Et respirez profondément et régulièrement. Et décompressez. Respirez profondément et régulièrement. Et débarrassez-vous de toutes les appréhensions. Et respirez profondément et régulièrement. Et respirez calmement et détendez-vous tranquillement. Voilà. Et maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes bien installé et bien allongé sur le canapé. Ses pieds restent à plat sur le canapé. On ne croise pas les mains sur le ventre, ses mains restent à plat sur le canapé. Et maintenant, vous êtes prêt à suivre toutes mes instructions. Alors, à partir de maintenant, vous écoutez simplement tout ce que je dis. Et à partir de maintenant, vous écoutez simplement tout ce que je dis. Et à partir de maintenant, vous suivez simplement toutes mes instructions. Et à partir de maintenant, vous suivez tout simplement toutes mes instructions. Alors, gardez la tête bien droite et levez seulement les yeux pour regarder fixement cette punaise au mur. Par moments, votre vision peut devenir floue et vous ne verrez plus clairement. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un état tout à fait naturel qui vous permet d'entrer profondément dans ce que l'on appelle l'état d'hypnose agréable. À partir de maintenant, tout simplement, vous entendez ma voix et vous écoutez ma voix. Et à partir de maintenant, tout simplement, vous suivez toutes mes instructions. Tout simplement, regardez fixement cette punaise au mur. Regardez fixement cette punaise. Comme si une barre de fer reliait vos yeux à cette punaise. Et vos yeux sont collés sur cette punaise. Et vous ne changez plus votre regard de direction. Et vous ne regardez que cette punaise. Et vous ne changez plus votre regard de direction. Et vous pouvez apercevoir que cette punaise a une certaine forme. Et vous pouvez apercevoir qu'elle a une certaine taille. Et vous pouvez apercevoir son contour et ses bords. Et vous pouvez apercevoir qu'elle a une certaine couleur. Vous pouvez vous apercevoir que la luminosité est peut-être différente sur sa surface. Et vous pouvez vous apercevoir qu'elle a peut-être des points brillants à certains endroits. Et vous pouvez vous apercevoir qu'à d'autres endroits, elle a peut-être aussi des zones plus foncées. Et vous entendez ma voix. Et vous vous concentrez sur ma voix. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir ou de répondre ou d'essayer de faire quoi que ce soit. Et en fait, il n'est même pas nécessaire que vous écoutiez attentivement tout ce que je dis, parce que votre esprit inconscient va inévitablement entendre tout ce que je dis, absolument tout, sans aucun effort de votre part. Et vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Et ce à quoi vous pensez n'a absolument aucune importance. Et vous entendez ma voix. Et vous vous concentrez sur ma voix. Et vous êtes allongé confortablement. Et vous ressentez une détente agréable envahir tout votre corps. Et ces sensations bien particulières vous permettent d'entrer en vous-même, tranquillement et profondément, et encore plus profondément. Et ces sensations augmentent encore plus la puissance de cet état hypnose agréable. Et ces sensations bien particulières vous permettre d'entrer encore plus profondément en vous-même. Et encore plus profondément en vous-même. Et vous respirez calmement et régulièrement. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Et à chaque fois que vous respirez, vous vous laissez aller de plus en plus à cet état d'hypnose agréable. Et maintenant, absolument plus aucun bruit extérieur ne vous dérange. Absolument plus aucun bruit de circulation. Absolument plus aucun bruit de la maison. Vous pouvez les entendre et cela ne vous dérange absolument pas. Et cela ne vous dérange absolument plus. Et cela n'a absolument plus aucune importance. Et absolument plus aucun bruit extérieur ne vous dérange maintenant. Et absolument plus aucun bruit extérieur ne vous dérange maintenant. Et absolument plus rien ne vous dérange maintenant. Et plus rien n'est important. Et absolument plus rien ne vous dérange maintenant. Et plus rien n'est important. Et à chaque fois que vous respirez, vous plongez toujours plus profondément dans cet état d'hypnose agréable. Et c'est un état tout à fait naturel. Et vous vous abandonnez à ce calme. En toute sécurité, en toute sécurité. Voilà. Et par moments, votre vision peut devenir floue et vous ne voyez plus clairement. Et c'est un état tout à fait naturel qui vous permet d'entrer profondément dans cet état d'hypnose agréable et vous plongez profondément dans cette sensation merveilleuse. Et maintenant, cette punaise au mur que vous regardez n'a plus d'importance. Et vous pouvez fermer les yeux maintenant. Et tout ce que je dis à partir de maintenant pénètre profondément dans cette partie de vous qui s'appelle le moi profond. Et tout ce que je dis à partir de maintenant pénètre profondément dans cette partie de vous, dans votre moi profond. Et tout ce que je dis à partir de maintenant pénètre profondément

profondément. Et c'est un état bien particulier. Et vos mains sont bien posées sur le canapé. Et plus ces mains restent bien posées sur le canapé, et plus vous entrez en vous profondément. Et c'est un état bien particulier. Et je vais me taire un moment, et quand vous entendrez à nouveau ma voix, vous serez complètement détendu et dans un état de détente agréable et de relaxation profonde. Et ressentez encore une fois cette merveilleuse sensation agréable de calme et de détente et de relaxation profonde. Et dans cette merveilleuse sensation agréable de calme et de détente et de relaxation profonde, chacune de mes paroles s'imprègne dans votre moi profond, dans votre moi intérieur et ne peut plus être effacée. Et vous ne voulez plus faire autrement que de suivre toutes mes instructions. Et vous êtes bien détendu. Et vos yeux sont fermés. Et vos bras et vos jambes sont détendus. Et vous vous détendez complètement. Et plus rien ne vous dérange maintenant. Et vous êtes calme et détendu. Et vous vous laissez aller. Et vous respirez calmement et régulièrement. Et vous êtes maintenant complètement détendu. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous ressentez cette détente agréable dans tout votre corps. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous plongez de plus en plus profondément dans cet état de détente agréable. Et plus rien ne vous dérange maintenant. Et vous vous concentrez sur ma voix. Et vous ressentez maintenant très clairement que vous plongez de plus en plus profondément dans cet état agréable de calme. Et dans cet état merveilleux de calme, s'ouvre maintenant en grand la porte qui donne accès à votre moi profond, à votre être intérieur. Et la porte qui donne accès à votre moi profond, à votre être intérieur, s'ouvre maintenant en grand. Et tout ce que je dis maintenant pénètre facilement et profondément dans votre moi profond, dans votre être intérieur et s'y imprègne et ne peut plus y être effacé. Et vous suivez toutes mes instructions, et vous êtes calme, très calme. Et maintenant, je vous demande d'imaginer et de voir, très en détail, à quoi ressemblent les personnes obèses. Et voyez à quoi ressemblent les personnes obsédées du sucre. Et voyez à quoi ressemblent les personnes obsédées des matières grasses. Et voyez à quoi ressemblent les personnes obsédées de la malbouffe. Et maintenant, regardez-vous avec votre excès de poids. Et maintenant, ressentez la prison de votre surpoids. Et voyez les jolis vêtements que vous ne pouvez pas porter à cause de ce surpoids. Et maintenant, ressentez comment ce surpoids vous prive de liberté. Et à partir de maintenant, vous ressentez de l'écœurement et un dégoût très fort de la malbouffe. Et à partir de maintenant, vous mangez sainement. Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous pensez à manger, vous ressentez que cet écœurement et ce dégoût très fort de la malbouffe augmentent toujours plus et de plus en plus et toujours de plus en plus. Et à partir de maintenant, rien que le fait de penser à manger vous écœure et vous dégoûte très fortement de la malbouffe. Et rien que le fait de penser à manger vous écœure et vous dégoûte très fortement de la malbouffe. Et vous perdez 1 kilo toutes les semaines et vous vous sentez très bien chaque jour. Et vous perdez 1 kilo toutes les semaines et vous vous sentez très bien chaque jour. Et à partir de maintenant, vous n'avez plus d'appétit et vous mangez très peu à chaque repas et vous êtes rapidement rassasié à chaque repas. Et à partir de maintenant, vous ne mangez absolument plus rien entre les repas. Et après le repas du soir, vous ne mangez absolument plus rien du tout. Et à partir de maintenant, vous perdez 1 kilo toutes les semaines et vous vous sentez très bien chaque jour. Et vous perdez 1 kilo toutes les semaines et vous vous sentez très bien. Et à partir de maintenant, vous ressentez que votre santé s'améliore de jour en jour. Et à partir de maintenant, la nourriture ne vous intéresse plus. Et à partir de maintenant, la nourriture vous laisse indifférent. Et vous vous sentez merveilleusement bien chaque jour. Et à partir de maintenant, vous n'avez plus d'appétit. Et vous mangez très peu à chaque repas. Et vous êtes rapidement rassasié à chaque repas. Et entre les repas, vous ne mangez absolument plus rien. Et après le repas du soir, vous ne mangez absolument plus rien du tout. Et à partir de maintenant, vous perdez 1 kilo toutes les semaines. Et vous vous sentez très bien chaque jour. Et la nourriture ne vous intéresse plus. Et la nourriture vous laisse indifférente. Et vous vous sentez merveilleusement bien chaque jour. Et à partir de maintenant, vous n'avez plus d'appétit. Et vous mangez très peu à chaque repas. Et vous êtes rapidement rassasié à chaque repas. Et entre les repas, vous ne mangez absolument plus rien. Et après le repas du soir, s'il y a un repas du soir, vous ne mangez absolument plus rien du tout. Et vous ressentez toujours cet état merveilleux de calme et de détente. Et dans cet état merveilleux de calme et de détente, tout ce que je vous ai dit s'est imprégné profondément dans votre moi profond, dans votre être intérieur. Et tout ce que je vous ai dit reste profondément gravé dans votre moi profond, dans votre être intérieur et ne peut plus y être effacé. Et à partir de maintenant, vous suivez toutes ces instructions que vous avez reçues. Et je vais me taire un moment, et quand vous entendrez à nouveau ma voix, vous aurez intégré tout ce que je viens de dire. Et dites-vous qu'avec chaque jour qui passe, vous vous sentez plus heureuse et plus satisfaite et plus joyeuse et plus gaie parce que vous choisissez de vous sentir comme cela juste en contrôlant vos pensées. Et comme vous vous sentez plus heureuse et plus satisfaite et plus joyeuse et plus gaie, la vie est bien plus amusante et vous prenez plaisir à chaque jour et vous êtes de jour en jour en meilleure santé. Tout comme votre corps qui fonctionne facilement dans un environnement libre de toute tension. et de jour en jour, vous vous sentez plus vivante et plus dynamique. Et dites-vous que votre esprit et votre corps sont relaxés et calmes et que vous êtes en paix avec l'univers. Et comme vous êtes calme et à l'aise, vous avez plus d'énergie et votre esprit est plus clair et plus pénétrant et plus déterminé. Et par conséquent, vous êtes capable de voir les problèmes avec du recul et vous êtes capable de les prendre à charge facilement et efficacement et avec pleine de confiance, sans jamais vous inquiéter et sans jamais vous épuiser. Et surtout, arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous souhaitez beaucoup faire, comme perdre du poids. Et tant que vous vous dites que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas le faire. Dites-vous que même si c'est difficile, vous êtes capable de le faire. Et quand vous vous dites que vous pouvez le faire et que vous le faites, vous franchissez la première étape vers l'accomplissement de ce que vous allez accomplir. Et vous découvrez que vous pouvez atteindre vos objectifs et vous le faites. Et toutes ces choses que vous prenez maintenant l'habitude de vous dire, toutes ces choses commencent à modifier votre vie. Et toutes ces choses que vous vous dites modifient maintenant votre vie. Et je vais me taire un moment et quand vous entendrez à nouveau ma voix, vous aurez intégré tout ce que je viens de dire. Et je demande maintenant à votre moi profond, à votre moi intérieur, de mettre tout ce travail en place immédiatement pour que vous en ressentiez déjà les effets bénéfiques aujourd'hui. Et je demande maintenant à votre moi profond, à votre moi intérieur, de mettre tout ce travail en place immédiatement pour que vous en ressentiez déjà les effets bénéfiques aujourd'hui. Et je demande à votre moi profond, à votre moi intérieur, de faire ce travail à fond et de l'amplifier et de l'accélérer de seconde en seconde, de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, sans jamais s'arrêter. Et je demande à votre moi profond, à votre moi intérieur, de faire ce travail à fond et de l'amplifier et de l'accélérer de seconde en seconde, de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, sans jamais s'arrêter. Et je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et à 3, vous ouvrirez les yeux et vous serez bien réveillé et en pleine forme. Et tout ce que je vous ai dit est maintenant imprégné bien profondément dans votre moi profond. Et je compte maintenant jusqu'à 3. Et vous ouvrirez les yeux et vous vous sentirez en pleine forme. Et tout votre corps sera de nouveau léger. Et tout ce que je vous ai dit est maintenant bien imprégné profondément dans votre moi profond. Et vous suivrez toutes les instructions que vous avez reçues, que je vous ai données. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux maintenant et vous êtes en pleine forme.